qué bien sentimental. Kevin international, en quel nom idéal, béni aïe de banal, l'est-il déjà passé? Moi commandé, où es-tu? Parce que la fois moi savais, si aïe pas arrivé où? Est-ce que j'avais nous branché, en courant continu? En monte Kevin gâché, ça nous qu'à vivre entre nous. Où t'es que dit c'est bon Dieu qui fait si nous rencontrer. Ensemble faut nous continuer. Sentimental pour vous, l'amour Kevin international pour vous, doudou en que chavir et montagne pour vous, l'amour, oh, oh l'amour en esprit en moins ouillé, présent jour et nuit, aïe un peu parfait sans penser à tout le temps, les folies qu'a installé. Nous toujours réagir, y'en besoin pour exister. L'autre qui cavit ça aussi, pour solution nous trouver. Les bouts d'autres mondes, ça finit. Nous voici comme ça la vie. Que vous me pour nous vivre tous les deux.